Lorsqu'on fait de la politique, il faut l'être. Autrement, il est préférable de rester à la maison. Oui, mais c'est vrai, ça a sans doute été l'une de mes erreurs. J'en ai tellement eu assez qu'on me pose toujours cette même question qu'à un moment, je me suis amusé comme un gimmick à dire « Mais non, mais ça revient, c'est vrai. J'ai encore plus d'ambition que vous l'imaginez. » Et puis, à partir de 1995, on ne m'a plus posé la question, et pour cause, puisque j'avais fait partie de ceux qui avaient perdu. Et donc, c'était plutôt un cortège d'enterrement. Quand on me serrait la main, on prenait le pouls. Vous êtes entré dans l'arène politique avec des parchemins qui étaient signés Jacques Chirac, Charles Pasqua. Et ces parchemins, à un certain moment de votre vie, vous les avez déchirés, même si vous devez les retrouver. Je ne pense pas que je suis entré avec des parchemins. Je n'ai pas demandé l'autorisation. Vous avez été accompagné. On ne m'a pas donné de passeport. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. On peut aussi dire que j'ai accompagné. Alors, cet entretien date de 1997. Alain Juppé était encore Premier ministre, plus pour longtemps. D'ailleurs, mais il était Premier ministre. C'est vrai que les deux hommes, il nous reste 30 secondes pour ça, la question d'actu, Laurent Geoffrin, les deux hommes se retrouvent dans une compétition qui s'appelle la primaire. Nicolas Sarkozy a-t-il ses chances, selon vous, encore? Je crois que son côté ambitieux, un peu trop cynique et trop agressif, a fini par indisposer, franchement, une grande partie de la droite. Pas de la gauche, mais une partie de la droite. Et ça, c'est son handicap, on le voit bien maintenant. Son entrée en campagne devait provoquer une espèce de séisme, et donc il devait éliminer d'emblée tous les candidats. C'est le contraire qui s'est produit. Donc ça a plutôt renforcé Juppé. Et c'est ce qu'on vit actuellement. Il y a un anti-sarkozisme, alors à tort ou à raison, enfin, il y a un anti-sarkozisme qui propulse Juppé en avant. Bien, merci Laurent Geoffrin, notre partenaire directeur du journal Libération. À bientôt, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la conquête de Neuilly par Nicolas Sarkozy, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la privatisation de TF1.